Mon cher ami, Monsieur Jourdain, comment vous portez-vous ? Fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle ? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, Monsieur Jourdain ? Vous voilà le plus propre du monde. Vous voyez. Vous avez tout à fait bon air avec cet habit. Et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Il le gratte par où il se démange. Tournez-vous. Oh, cela est tout à fait galant. Oui, aussi saut par derrière que par devant. Ma foi, Monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur. Dans la chambre du roi. Allons, mettez. Monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, mettez. Point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur. Mettez, vous dis-je, monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. Monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être un civil qu'importun. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et vous m'avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément. Oh, monsieur, vous vous moquez. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Oh, je n'en doute point, monsieur. Je veux sortir d'affaires avec vous et je viens ici pour faire nos comptes, ensemble. Eh bien, vous voyez votre impertinence, ma femme. Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Je vous le disais bien. Voyons un peu ce que je vous dois. Vous voilà avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté ? Oh, je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Ah, le voici. Donnez à vous une fois 200 louis. Cela est vrai. Une autre fois 620. Oui. Et une autre fois 140. Vous avez raison. Ces trois articles font 460 louis qui valent 5060 livres. Le compte est fort bon. 5060 livres. Ah, 1832 livres à votre plumassier. Justement. 2780 livres à votre tailleur. Il est vrai. 4379 livres 12 sols 8 deniers à votre marchand. Fort bien. 12 sols 8 deniers. Le compte est juste. Et 1748 livres 7 sols 4 deniers à votre sellier. Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait ? Somme totale 15 800 livres. Somme totale est juste. 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner. Cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas bien deviné ? Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis ? Eh non ! Cet homme-là fait de vous une vache à lait. Taisez-vous ! Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs. Non, monsieur ! Il ne sera pas content qu'il ne vous ait ruiné. Taisez-vous, vous dis-je ! Vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse. Point, monsieur ! C'est un vrai enjôleux. Il vous sucera jusqu'au dernier sou. Vous tairez-vous ! J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelque autre. C'est trop d'honneur, monsieur, que vous me faites. Je vais quérir votre affaire. Quoi ? Vous allez encore lui donner cela ? Que faire ? Voulez-vous que je refuse à un homme de cette condition-là qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi ? Allez, vous êtes une vraie dupe ! Oh !